si il y a un pays qui a peur, s'il y a à craindre, c'est plutôt la France. Nous, aujourd'hui, nous avons sans doute les sourires aux lèvres. Et nous n'allons pas nous réjouir très vite, ça c'est très clair. Mais en réalité, aujourd'hui, la défaite, c'est de l'autre côté. S'il y a une pente, s'il y a quelqu'un qui est en train de tomber, de descendre, c'est bien sûr le système françafricain. S'il y a un système qui est en train de monter, de voir les jours et de grandir, c'est bien sûr les panafricains. Jamais depuis les indépendances politiques de l'Afrique, nous n'avons vu des pays, en tout cas frontaliers, se réunir comme ça, unir leur politique, leur système de défense et leur même se projeter ensemble dans l'avenir. C'est du jamais vu. La France s'attendait à tout sauf à ça. En tout cas, pas dans un siècle. Vous savez, l'Occident, Jonathan l'a dit, j'ai suivi son intervention, l'Occident est victime en fait de son propre système. Afrique Média, le monde, c'est nous.